On va parler avec un joueur qu'on va avoir l'occasion de voir vendredi soir sur les ondes de RDS, puisque RDS, depuis la semaine dernière, présente des matchs de la NCAA. C'est Bruno Labelle, qui est un ailier rapproché, un Québécois qui joue avec les Bearcats. Les Bearcats, septième au pays. Question de savoir un peu qu'est-ce qui a poussé les Bearcats, comment ça se voit, parce que regardez le classement, c'est vraiment exceptionnel. On lui parle. Salut Bruno! Salut, ça va bien? Ça va bien, Bruno. D'abord, avant de parler un peu des Bearcats, tu as joué ton football collégial à quel endroit au Québec? J'ai joué au Cégep Montmorency pour 2 saisons OK. avant de m'entrer ici à l'université Sainte-Sophie, ouais. Et par la suite, tu as transféré, c'est ça? Comment t'es arrivé avec les Bearcats Cincinnati? En fait, j'ai eu la chance d'avoir un coach à un moment ci qui avait des connexions un peu aux États-Unis. Et puis, on a fait un road trip ici avec quelques autres joueurs de moment ci à l'époque. Puis, on a arrêté à différentes universités et on a fait des camps de recrutement dans le fond. Puis, quand je suis arrivé à Cincinnati, j'ai eu la chance, ils m'ont offert une bourse pour 5 ans. Et puis, je l'ai accepté. Et puis, c'est comme ça que je suis arrivé ici dans le fond. OK. Puis là, cette année, tu joues de façon régulière avec les Bearcats? Oui. J'ai joué depuis quelques années, évidemment. Mais cette année, je suis passé l'aliment partant. Donc, non, ça va bien. OK. Qu'est-ce qui explique que les Bearcats, septième au pays, c'est quand même quelque chose de. C'est quand même. Je regardais le classement, vous êtes quand même d'une division quand même plus faible. Vous avez battu SMU, mais vous n'êtes pas dans le Big Ten, vous n'êtes pas dans les SEC, dans les équipes du Power 5, en fait, là. Qu'est-ce qui explique ça cette année? C'est une bonne question. En fait, c'est le fun à réaliser, de fond, l'oublier qu'on est septième au pays. Mais pour être honnête, je pense que c'est une combinaison de plusieurs choses. Je pense qu'on a un excellent coaching staff qui est arrivé ici en 2016. C'était un coach, justement, qui arrivait d'une grosse école, Ohio State, quelques heures Brian au nord Kelly, c'est ça? de Cincinnati. Non, Luke Fekl. Luke Luke Fekl, Fekl était le commentateur défensif pour les Buckeyes de Ohio State OK. pour toute sa carrière, en fond. Il est arrivé ici, puis il a amené une nouvelle mentalité, il a amené son nouveau coach, son nouveau coaching staff avec lui. Il a recruté des très bons joueurs. Je pense que ça a été une des grosses raisons pourquoi on est rendu ici, c'est le recrutement qu'il a réussi à faire au fil des années. Puis je pense que c'est une combinaison des deux, un très bon coaching staff, des bons joueurs. Tout ça mis ensemble, je pense que ça a fait qu'on s'est développé en tant qu'équipe. Puis on a battu des bonnes équipes quand on a eu l'opportunité de le faire. Puis on a monté les échelons. On a commencé, on était, je pense, dans les 15e au début de la saison, puis on a continué de battre des équipes, puis comme tu dis, maintenant on est en 17e. OK. Là, j'imagine qu'on vise un gros bowl. Parce que là, tu sais, veux pas, septième au pays, les éliminatoires sont encore pas. C'est pas inaccessible aussi. Vous avez quand même. C'est sûr que vous avez quand même un calendrier, mais le fait que vous jouez dans une division plus faible, est-ce que ça pourrait vous nuire à la fin? Pour le classement? Pour C'est jouer dans sûr que les le comité. éliminatoires? Non, je comprends. C'est sûr que le comité des éliminatoires historiquement a préféré des équipes qui faisaient partie du Power 5, des grosses conférences. Mais je pense que de plus en plus dans les dernières années, on a prouvé, puis la communauté ou le monde du football commence à réaliser que la différence entre le Power 5 puis les grosses conférences, puis nous, il n'y a pas une grosse différence. On a battu des équipes du Power 5 à multiples reprises. C'est sûr que quand ça va arriver au choix de qui va faire partie de la quatrième, qui va être la quatrième équipe pour faire les playoffs et les éliminatoires, ça se peut que ça joue un peu contre nous, mais si on a un bon résumé, puis si on continue de gagner comme on passe le match, je pense qu'on devrait avoir une chance. OK. Y a-t-il des joueurs qu'il faut surveiller qui pourraient être des gros prospects pour la NFL dans votre formation? Parce que le match de vendredi En fait, passe RDS en passant. Répétez, j'ai pas compris. Est-ce qu'il y a des joueurs du côté des Bearcats qui pourraient être des gros prospects pour la NFL? Parce que le match passe à RDS en passant vendredi soir. Je pense qu'on a quelques gars à la défensive qui ont définitivement une chance. Notre safety, Derek Force, est un très bon joueur. À la ligne défensive, je pense que Maje Sanders, numéro 21, a des bonnes chances aussi. Je pense que ça va juste être une. Ça va être une question de voir comment est-ce qu'on finit la saison, comment est-ce qu'ils finissent la saison, évidemment. à l'offense, notre carrière, finalement, Desmond Ridder est dans une bonne position de faire, d'avoir une chance au prochain niveau. Notre porteur de ballon, numéro 23, Jerry Tokes, aussi une bonne chance, selon moi. Je pense que on devrait avoir à peu près 5 à 10 joueurs. À chaque année, à peu près, on essaie d'avoir 5 à 10 joueurs qui vont faire une chance au prochain niveau. Okay. Donc, ouais. Toi, comment tu vois ça? Est-ce que, parce que c'est ta dernière année, je pense, comme avec les Bearcats. Est-ce que, comment tu vois ça? Est-ce que la Ligue canadienne, sûrement que la Ligue canadienne pourrait être une belle avenue pour toi? C'est sûr que la Ligue canadienne est une option. Je vais l'explorer une fois que je vais être rendu là. La NFL, évidemment, est aussi une option. J'ai été contacté par différents agents. Je pense que je vais avoir une chance, une fois que la saison est terminée, d'avoir un bon un processus de repêchage au printemps, puis d'avoir, si je peux signer avec une équipe, ça va être à voir. Mais je pense que j'ai un bon début de saison pour l'instant, puis si je suis capable de finir la saison en force, je vais avoir une chance aussi. Est-ce que c'est Sacha Gavanni qui te représente? Non. Non. En fait, j'ai pas décidé d'un agent encore. J'ai pas le droit de décider sur un agent encore jusqu'à la fin de la saison, en fait. OK. Dis-moi, est-ce que vous avez eu, est-ce qu'il y a eu de l'inquiétude du côté des joueurs de l'NCD et de ne pas avoir de saison? Parce que quelque part, ça a passé très près. Là. Il a fallu que des gars comme Trevor Lawrence se lèvent et qu'il y ait une saison. Par la suite, les autres universités, les autres divisions ont emboîté le pas. Ça devait être une inquiétude quand même pour les joueurs. C'est sûr que ça a été une inquiétude pour tout le monde. Je pense que pendant longtemps, pendant la quarantaine, on était persuadé qu'on allait jouer. Finalement, quand on est arrivé proche du camp d'entraînement au mois d'août, beaucoup de choses ont changé. Le Big Ten a cancellé leur saison. Le Pac-12 ont cancellé leur saison initialement. Quand ça s'est arrivé, nous, on pensait que tout le monde allait faire un effet domino puis que tout le monde du college football allait être cancellé. Mais évidemment, les conférences plus du Sud ont été très agressives pour jouer. Notre conférence était aussi très agressive dans le sens qu'on voulait jouer. C'était juste une question de savoir si les mesures de prévention allaient être en place, puis si on allait être capable de les suivre. Non, ça a été une question, mais à la fin de la journée, je pense qu'il fallait se concentrer à se pratiquer et à se préparer pour la saison. Je pense que c'est ce qu'on a fait, puis ça l'a payé à la fin de la ligne. Comment que c'est jouer sans spectateur ou très peu de spectateurs? Comment que pour les joueurs, est-ce que rendu sur le terrain, est-ce qu'on s'en rend plus compte ou comment que c'est? C'est définitivement différent. Je te dirais, quand tu joues en moyenne devant 15 000, 50 000 personnes par semaine, des fois 100 000 quand tu es dans des gros stades, c'est sûr que ça fait une différence. Il y a moins d'atmosphère, il y a moins de. Tu dois créer un peu ton propre énergie, tu dois créer un peu ta motivation d'être plus intrinsèque, ça devenir plus des joueurs parce qu'il n'y a pas de foule pour. Pour amener de l'énergie. Je pense qu'on s'est habitué, je pense qu'on a une carte composée avec, c'est correct. Dernière question, l'importance de jouer pour un gros bowl. Parce que là, vous êtes 7e au classement, les Bearcats. De toute évidence, vous avez un calendrier quand même qui va vous permettre de jouer, si ce n'est pas dans les séries éliminatoires, dans un bowl très payant. C'est important pour une université comme les Bearcats, qui n'est pas une grosse université. Il y a l'équipe de basketball je connais plus l'équipe de basketball puisqu'on les voit souvent dans le top 25, l'équipe de basketball, là. C'est quand même de la grosse argent que vous allez générer pour votre programme, pour tous les autres programmes, là. Donc j'imagine que c'est très payant là, pour votre université. Non, c'est sûr. Au niveau de l'image puis au niveau de la réputation puis tout ça qui vient avec les gros bowls, c'est quelque chose qui est important pour une université comme la nôtre. On est allé dans un gros bowl la dernière fois en 2009, on est allé au Orange Bowl. Puis depuis ce temps-là, on voit des bowls quasiment à chaque année, mais une question d'un New Year's Bowl comme on a la chance d'aller cette année, c'est sûr que c'est une expérience extraordinaire. Je sais pas si y a pas beaucoup d'équipes qui ont la chance d'aller à des bowls comme ça chaque année, donc si on a la chance de faire ça, ça va être incroyable. Ben, Bruno, félicitations. Écoute, un Québécois qu'on va voir à ESPN et à RDS vendredi soir, qui est sur l'alignement partant de la 7e équipe au pays dans la NCAA, c'est quand même pas rien. Félicitations pour le plaisir de se reparler. Ben, merci beaucoup d'avoir reçu. Bonne journée. Bruno Labelle des Bearcats de Cincinnati.